Jésus. Révèle-toi, mon Seigneur. Fils de David, moi je veux te toucher, Jésus. Car tout mon espoir, c'est toi. À genoux, face contre terre, devant ton trône. Gloire à Jésus, l'agneau de Dieu immolé. Alléluia, alléluia. Tous ensemble, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres et fait briller ma vie. C'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Jésus. La main. Seigneur, je t'invite. Viens vivre dans mon cœur. Pour que ton amour et ta puissance remplissent ma vie. Alors j'entends tous alléluia. Admirable, conseiller, et puis...